à toutes et à tous, bienvenue dans le MAG sur Radioactive. Un MAG aujourd'hui qui va ravir les amateurs d'histoire, puisqu'il sera dédié à la fête médiévale qui se tiendra ce samedi 25 mai sur l'île d'Or. Alors le programme qui vous attend, eh bien, c'est notre invité Teddy Félix, bénévole et chargé de communication de l'association Les Lames Amboisiennes, qui va nous le dévoiler. Bonjour Teddy. Bonjour Marlène. Oui, effectivement, on a un programme vachement complet qui commencera à 10h. Un campement médiéval sera ouvert à l'île d'Or, à Amboise. Ce campement aura pour but de mettre en avant un projet qu'on a avec les collégiens d'Amboise, de la section SECPA et Ulysse. On a créé un petit projet avec eux de construction. On leur a demandé de construire des objets en bois, principalement, ou en cuir, ça dépend, sur l'année, dans un but pédagogique pour eux. D'accord. Et lors de cette fête, ils vont présenter justement leur ouvrage. Voilà. Oui, c'est-à-dire que cette fête médiévale qui n'en est pas à sa première édition, puisqu'il y a déjà eu une première en 2023, l'an passé, et c'est le fruit d'une collaboration avec les classes de SECPA et Ulysse du collège Choiseul. C'est ça. Et vous m'expliquiez tout à l'heure, Teddy, qu'ils avaient effectivement des locaux, un atelier à disposition, un encadrement qui leur permet du coup de réaliser des objets. Les professeurs, la plupart de leurs professeurs entrent en fonction là-dedans pour construire les différents objets. Par exemple, il y a un professeur d'atelier, forcément, le professeur de mathématiques pour les calculs, pour la prise de forme géométrique et tout ça. Et le prof d'histoire, évidemment, pour l'histoire, c'est le principal. Ça fait travailler plusieurs champs pédagogiques, donc c'est exactement. Vrai que c'est l'idéal. Et l'an dernier, il y a eu des réalisations comme des coffres. Oui, ils ont fait des coffres, un porte-armure, un râtelier, deux râteliers pour poser les armes. Très joli d'ailleurs, très bien fait. Tout ça démontable, donc il fallait qu'ils réfléchissent à comment pouvoir le monter, démonter rapidement et facilement. Mm-hmm. Et tout ça, ça leur a pris sur l'année à peu près. Ils devaient avoir deux cours par semaine d'atelier. Et évidemment, les autres cours pour compléter. C'est très beau, c'est très réussi. Et puis, il y a une vraie finalité, puisque ce qu'ils font va être exposé, va être vu de tout le public. Voilà, donc, c'est valorisant pour eux aussi. C'est exposé lors de cette fête médiévale, mais en plus de ça, nous, les objets, on les conserve et on les utilise lors de différents campements, parce qu'on est amené à se déplacer à droite, à gauche, lors des fêtements médiévales. Et du coup, on expose fièrement nos objets créés par des collégiens. Ça en intrigue plus d'un. Ça peut peut-être même inspirer d'autres associations de elles-mêmes mettre en place des partenariats avec d'autres rectorats. C'est fort possible, effectivement. Ça serait génial, en effet. Alors vous me disiez qu'il y avait aussi des emblèmes qui avaient été cousus, c'est-à-dire qu'il y a une section aussi où ils font de la couture. Oui, effectivement. L'année dernière, la section Ulysse avait fabriqué des emblèmes sur des grands morceaux de tissu. Cette année, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ça va être la surprise pour moi. Je ne suis pas encore au courant. Mais on verra bien. En tout cas, cette année, je sais qu'ils préparent du cuir, notamment. Alors, c'est pas que la section Elisa, c'est la section SECPA. Ils travaillent le cuir, ils font des carquois en cuir pour ranger les flèches. Et ils font aussi des portes-arcs. Très bien. C'est plutôt bien pour exposer. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on est tout de suite rentré dans le vif du sujet, j'ai envie de dire, en parlant de ces campements et de cette fête médiévale du 25 mai. Peut-être que je voudrais revenir un tout petit peu en arrière, Teddy, en vous demandant, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore, qu'est-ce que les Lames Amboisiennes, qu'est-ce que propose cette association qui a maintenant une quinzaine d'années? C'est une question intéressante, effectivement. avant de faire des projets avec des collégiens, de base, nous sommes une association de combat médiéval. Donc, on a pour vocation, toutes les semaines, grosso modo, de s'entraîner, à se taper dessus, clairement. Alors, généralement, on se tape sur sans les épées, violence, hein, voilà, évidemment. Tout ça pour proposer des spectacles dans des lieux quand même assez insolites, hein, notamment des châteaux, tout lieu qui se prête à l'histoire médiévale, hein, clairement. Il y a les combats, mais à côté de ça, on présente aussi la vie de campement. Donc ça, c'est un peu différent, mais bon, c'est assez classique aussi. Si vous faites ce genre d'événement, vous ne serez pas perdu. On prépare un campement avec des tentes, de quoi manger aussi, on cuisine sur place. On essaie de vivre vraiment comme à l'ancienne, comme au Moyen-Âge. Donc une ancienne, hein, clairement. Et en règle générale, ça donne bien. Les gens, ils sont très attirés par la popote plus que par les combats, quasiment. Alors c'est vrai qu'on a eu l'occasion de se croiser sur différentes manifestations. Je pense au Forum des Assauts, vous étiez là, vous aviez fait des démonstrations. Oui. Sur les revues historiques aussi. Évidemment, sur les revues historiques, grand événement où là, c'est même pas que le Moyen-Âge, c'est n'importe quelle partie de l'histoire peut être représentée. Et oui, du coup, on a notre place à cet endroit. Ça attire beaucoup la curiosité parce qu'effectivement, on découvre tout plein de campements. Alors, on va passer presque de la préhistoire, entre guillemets, j'exagère, à la guerre. On fait un voyage temporel très complet quand on fait les revues historiques. Ah ouais. Et puis il y a tout, comme vous dites, visuellement, mais les odeurs aussi. Vous parliez des repas. Oui. Mais c'est vrai que je me rappelle très bien de cette forte odeur de feu de bois quand on traverse. Feu de bois, poudre à canon aussi quand il y a les tirs. Ça se sent plus, mais hier j'avais mes gants et du coup, quand j'avais mes gants, j'ai transpiré forcément, mais j'ai des gants en cuir. Du coup, ça sent une odeur un peu particulière, les gants en cuir. C'est très sympa aussi. Avec le cuir déjà aussi. Oui. La sueur aussi, faut pas se mentir, on sent beaucoup la sueur aussi. Hein, mais bon. C'est sympa, c'est tout un univers à découvrir, familial aussi, très familial. Hein. En règle générale, vous pouvez venir avec les enfants c'est les premiers émerveillés par tout ça. Mais oui, et puis ils apprennent. Évidemment. Il y a toujours un petit truc pédagogique en plus, c'est ça qui est bien, parce qu'on peut apprendre l'histoire en s'amusant, et pas qu'avec les vieux bouquins, même si c'est très utile quand même les vieux bouquins. Absolument. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ce 25 mai à l'occasion de cette fête médiévale ? On a parlé de campement, mais c'est pas tout, il va y avoir des démonstrations ? Effectivement, pour les activités, nous avons évidemment des combats, on va faire des démonstrations de combats à l'épée, à la lance, au bouclier... À la dague aussi, plein. Qui seront à des heures fixes, donc à ne pas rater. Effectivement, c'est des horaires imposés, c'est pour pouvoir bien organiser notre journée. Mm-hmm. Donc la première séance est à 11h30, la deuxième à 14h30 et la troisième à 16h. Ça dure combien de temps une démonstration de combat à l'épée ? Alors si on parle par exemple d'un combat, c'est 45 secondes. C'est très court parce que c'est très épuisant. Faut tenir le cardio. Un combat, ça n'a jamais été très long en soi, hein, même à l'époque. Mais là, en gros, par session, on devrait faire 3, 4, 5, 6 combats à peu près. Okay. Je sais que la première, c'est la plus courte. À 11h30, je crois qu'il n'y a que 3 ou 4 combats. Celle de 16h sera la plus conséquente. 16h, il y aura vraiment tout le monde, normalement, qui participe. Donc, il y aura du combat. Alors, j'ai entendu dire qu'il y aurait du troll ball. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Alors, troll ball, effectivement, si on ne connaît pas, peut-être que le Quidditch, ça parle. Mais si on ne connaît pas le Quidditch non plus, c'est pas grave, le Quidditch, c'est dans Harry Potter, mais ça y ressemble aussi. C'est un mélange de rugby et de balle aux prisonniers. Donc, grosso modo, on a une balle qui est la tête du troll. D'où le troll ball. Voilà. On doit la mettre dans le camp adverse, dans un but du camp adverse, on va dire. Okay. On doit la prendre à la main, et de l'autre main, on a une épée. Évidemment, il ne faut pas se faire toucher. Alors, c'est une épée en mousse, évidemment. Voilà. On ne doit pas se faire éliminer, on doit éliminer les autres, selon des règles précises. Tout ça dans le but de marquer. C'est un football médiéval, on va appeler ça comme Et donc, c'est participatif, c'est-à-dire que le public vient et peut jouer au troll ball. C'est il s'agit pas de regarder des figurants, enfin des personnes, nous faire un troll ball. Non, c'est vraiment le public qui peut participer. D'ailleurs, venez en tenue adéquate si vous avez envie de participer. parce que short tongue, ça... Si le temps s'y prête, ce serait une bonne chose en même temps. Ça serait pas mal, effectivement. Il y aura de l'initiation au tir à l'arc et au combat également ? Oui, alors nous, on va faire des combats qu'on a préparés, qu'on s'est entraînés pour ça. Par contre, il y a des gens qui veulent peut-être essayer de manipuler une arme, une épée, en règle générale. On fait des initiations tout au long de la journée. Il suffit d'aller voir quelqu'un et selon les disponibilités, on fait l'initiation ou pas. Ça va dépendre des programmes, effectivement. D'accord. Mais c'est toujours possible. On vous montrera des pas d'armes, donc des mouvements simples de base pour voir comment on frappe quelqu'un efficacement. Voilà. D'accord. Au Moyen-Âge, ils tapaient pas pour taper sur l'épée. Je sais pas si vous voyez, dans les combats, généralement, il y a des gens, ils se tapent, et on dirait que si l'autre, il avait pas paré le coup avec son épée, ça le toucherait pas, en fait. Mm-hmm. Il serait pas blessé. Ça, c'est plus du spectacle. Nous, on tape pour essayer de toucher l'adversaire. Même si on va pas le toucher, évidemment, parce qu'on s'entraîne pour ça. Mais il y a tout un petit truc à retravailler à cause des films et tout ça. Mais bon, il y a l'initiation au combat, il y a l'initiation au tir à l'arc, aussi. Tir à l'arc, et ben vous pourrez essayer de tirer des flèches avec des arcs relativement en bois. Ça va pas être des arcs récents, c'est des arcs assez vieux, et, enfin vieux, façon médiévale, dans des grandes cibles. Ah ouais, tout est bien dans l'esprit. Ouais. Oui, c'est très sécurisé aussi, il y aura des grands filets, tout ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Pas de caniche à tirer, que des cibles. Atelier côte de maille également. Oui, la partie des armures qui est faite en petites boucles, ça s'appelle des mailles pour le coup. Nous avons un atelier de côte de maille, une de nos sœurs, on peut appeler ça comme ça, travaille beaucoup la maille, fait des réparations et tout ça, et elle présente comment elle fait des retouches et tout ça. C'est très long, c'est très long. C'est que des petits anneaux qu'on doit mettre à la main, un par un. Je vais pas m'amuser à les compter sur une côte de maille, mais il y en a beaucoup. Donc une petite réparation, ça va, mais faire une toute une côte de maille... Elle fait pas. Donc, mais elle peut vous montrer comment on fait des petites touches, tout ça. Très donc sympa. Ça, ce sont des costumes que vous portez lors des démonstrations, la côte de maille ? Oui, oui, pour ceux qui en ont, évidemment, parce que ça reste un budget assez conséquent. Eh oui. La côte de maille, c'est une des armures qu'on porte. Après, il y a, pour les encore plus riches, c'est les armures de plaques. Donc des plaques de métal et tout ça, bien emboîtées. Les fameuses boîtes de conserve, pour ceux qui connaissent. Quand ils marchent, ça fait... C'est très sympa en termes de bruit, pas très sympa en termes de discrétion. Par contre, visuellement, ça tape. C'est très joli. Et tu es très protégé quand tu vas faire un combat et tout ça. Normalement, on en aura vers 16h, en fin de journée, et ils seront tout bien armurés. On va commencer léger, et petit à petit, on va se mettre en tenue... Pimpante. Pimpante, voilà, je cherchais. Parmi les autres ateliers que vous proposerez, il y aura le travail du cuir. Oui, il y a un artisan qui sera présent, qui fait un atelier avec généralement les enfants, mais bon, les adultes aussi peuvent participer. Mm-hmm. Mais bon, il y a tellement d'enfants généralement que... on peut fabriquer son petit bracelet en cuir. Il a des petits outils, on peut le décorer, le peindre et tout. Et on peut repartir avec son petit bracelet en cuir. Très sympa, très ludique, et peut-être des vocations, sait-on jamais. Ah mais tout à fait, et d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais l'objectif de ce partenariat que vous avez avec le Collège Choiseul, notamment avec les classes de SECPA et ULIS, c'est justement, vous me le disiez juste avant cette émission, Teddy, c'est peut-être de pouvoir susciter des vocations chez ces jeunes. En effet, le fait de montrer des métiers, le fait de toucher des matières qu'on n'a pas forcément l'habitude de toucher, ou des objets en tout cas qu'on ne voit pas forcément... Ça peut, effectivement, et même c'est sûr que ça incite des gens à faire tel ou tel métier. Mmh. Ça peut avoir une influence très positive et ça peut aussi orienter vers des métiers de l'artisanat. Bien sûr. Et c'est même plus facile pour eux de trouver, en étant avec nous, c'est plus facile, parce que bah, du coup, on connaît des artisans déjà, c'est un bon point. Et il y aura des artisans de présents justement sur place, qui eux seront amenés à leur donner des conseils, leur dire quelle branche choisir, quel diplôme peut-être, ou tout simplement trouver un stage ou un apprentissage. Mmh. Peut-être qu'il y en a que c'est déjà arrivé. L'année dernière, j'en connais une, elle a été prise en stage, et je pense que quand elle aura fini sa troisième, elle ira là-bas. Une belle finalité. Oui. Alors, de 10h à 18h, ça se passera donc sur l'île d'Or, cette fête médiévale, le 25 mai. C'est complètement gratuit, libre d'accès ? Oui, oui, c'est une entrée totalement gratuite, toutes les activités sont gratuites. La seule chose qui sera payant à la rigueur, c'est si vous voulez boire un coup, il y aura une buvette. Ah, okay. Là, par contre, il faudra payer un petit peu. Ah oui, logique. Mais à part ça, oui, tout est gratuit. Je crois qu'il va y avoir une animation un petit peu particulière également, Teddy. Oui, on aime à l'appeler le striptease médiéval. Comment ça ? Alors, évidemment, ça ne sera pas interdit au moins de 18, ce n'est pas un vrai striptease à proprement parler. C'est plutôt que lorsqu'un combattant est tout armuré, alors déjà, il faut s'armurer déjà. Se mettre toute son armure et tout ça, c'est déjà en soi assez physique pour commencer. On a souvent besoin d'aide pour des armures bien complètes. Mais dans la partie « j'enlève mon armure après les combats » par exemple, il va y avoir une petite animation au striptease médiéval où on va voir Noémie qui va enlever toute son armure avec un petit coup de main du public si vous êtes sage, et elle en aura besoin de toute façon pour pouvoir voir comment on enlève la totalité de son armure, de ses protections. Et bien sûr, elle ne finira pas toute nue, elle aura des vêtements encore, mais elle les gardera. Voilà. C'est sympa à faire, c'est très ludique. Ça, c'est une partie très ludique. Ça plaît aux enfants parce qu'on voit pas ça, enfin, même aux adultes, on voit pas ça tous les jours. Mmh. Parce qu'on voit souvent les gens se taper à coups d'épée, tout ça, mais on les voit pas s'habiller et se déshabiller. Ouais. Mmh. C'est très intéressant. Ça fait partie, évidemment, de... Ça fait partie de la vie médiévale. Et oui. Alors, si vous êtes amateur d'histoire, que vous aimez cette période qui est le Moyen-Âge, n'hésitez pas à venir à cette fête médiévale qui se tiendra samedi 25 mai. Teddy nous en a fait toute la promotion durant cette émission, nous a expliqué tous les ateliers que vous pourrez retrouver. Donc, je rappelle qu'il y aura du troll ball notamment, il y aura de l'initiation au tir à l'arc et au combat. Atelier côte de maille, un atelier cuir également. Vous pourrez observer des campements et évidemment tout ça dans une bonne ambiance avec une buvette et pour admirer aussi le travail qu'auront fait les collégiens au travers de leurs ateliers. On souhaite bien du succès à votre manifestation, Teddy. Eh ben, merci beaucoup. Merci Radioactive de nous avoir accueillis. Bon, bon, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, on se dit à très bientôt, puisque les lames amboisiennes ne sont jamais très loin. Non, effectivement, on a plein de sorties. Il ne faut pas hésiter à aller voir sur le site internet les lames amboisiennes ou sur notre page Facebook les lames amboisiennes du même nom. Voilà, sur laquelle vous pouvez notamment retrouver toutes les informations que nous a donné Teddy aujourd'hui dans cette émission. Ça. Merci beaucoup. Merci Marlène. Bon, et je vais prendre un donjon d'assaut. Ok, bon, bah, voilà, notre chevalier s'en va. C'est la fin de ce mag. On vous remercie de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur le site Radioactive 93 et 94.7 FM. À très vite et bonne écoute de la suite des programmes sur Radioactive.